Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Toujours le thème du pop-rock dans le blues, 34e émission. On retrouve Don Tyler Watson et Paul Deslauriers, hein, ce sont des Québécois, avec l'adaptation, la reprise de Come Together des Beatles en 2007. Alors cette chanson, Come Together, c'est une composition signée Lennon-McCartney, mais en fait c'est surtout John Lennon qui l'a composée pratiquement tout seul. C'est une chanson qui est parue sur l'album Abbey Road en septembre 1969. John Lennon a d'ailleurs été attaqué par l'éditeur de Chuck Berry, j'ai appris ça sur Wikipédia, car on estimait que la suite d'accords était pompée sur You Can't Catch Me. Voici Don Tyler Watson et Paul Deslauriers en 2007 qui reprennent Come Together des Beatles. Here come on flat top, here come grooving up slowly, he got juju out all he want. Holy roller, he got hair down to his knees. Got to be a joker, he just do what he please. He went on shoe shine, he got toe jam football, he got monkey finger, he shoot Coca-Cola, he say, I know you, you know me, and one thing I can tell you is you got to be free, come together. War is gum boot, he got on no sideboard, he want spinal cracker, he got feet down below his knee. Hold you in his armchair, you can feel his disease. I said, come together. Together, ooh, ooh, ooh, come. Tyler Watson et Paul Delaurier en 2007 sur l'album En Duo. Voici maintenant Red Beans and Pepper Sauce. Ce sont également des habitués de mon émission, puisqu'ils reprennent régulièrement de magnifiques titres de pop et de rock. Alors ne nous privons pas de ce plaisir et je vous propose deux titres. Tout d'abord Sweet Emotion d'Aerosmith. C'est un morceau qui est paru en 1975 sur l'album Toys in the Attic. Un bon succès pour le groupe de Steven Tyler qui l'a composé avec le bassiste Tom Hamilton. Red Beans and Pepper Sauce, Sweet Emotion. Ah, la fin du guitariste Laurent Galichon est un petit peu surprenante. Voici maintenant le deuxième titre, ce sera Get Ready des Temptations, mais aussi repris par Rare Earth. C'est une composition de Smokey Robinson et c'est paru en 1966 par les Temptations et il y a eu aussi donc une version par Rare Earth en 1970. La version que nous propose Jessica Ake, la chanteuse de Red Beans and Pepper Sauce, est parue en 2021 sur l'album Songs from the Past, volume 4. Get ready! Greg Zlapp, de son vrai nom Greg Zlabzinski, est d'origine polonaise. Vous pouvez lire, découvrir son histoire sur une BD, mais aussi grâce à l'invité de la semaine, une belle interview de Cédric Vernet sur Blues Café Radio. Chaque semaine, vous retrouvez ça en podcast. Alors, revenons à Greg. Il a sorti en 2020 l'album Rocket et en 2022 l'album Acoustic Rocket. Tout d'abord, une version acoustique, si l'on veut, de Rocket, le titre de l'album, mais aussi d'une chanson qui est en réalité une revisitation de We Will Rock You de Queen, paru en 1977 sur l'album News of the World. Et en 45 tours, ça a été vraiment un énorme succès, couplé avec We Are the Champion. Greg Zlap, Rock It! nous restons avec Greg Zlapp pour un titre alors très connu, le pénitencier. Enfin, Greg l'appelle le blues du pénitencier car c'est une version instrumentale. Le pénitencier, c'est bien sûr l'adaptation de The House of the Rising Sun, popularisée par les Animals, et ensuite la reprise par Johnny Hallyday. Alors, le titre est paru en 1964 par Hallyday. Les Animals, je crois bien que c'est la même année. Et puis, il y a eu des tas de versions. Même Bob Dylan, sur son premier album, je crois, on fait une version folk blues vers 1961. Voici donc Greg Zlapp, le blues du pénitencier, en 2020, sur son album Rock It. Et moi je vous dis bye bye et à la prochaine. C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir. Dans exactement 30 grosses secondes, cet enregistrement sonore se détruira de lui-même. Dans exactement 29 grosses secondes, cet enregistrement sonore se détruira de lui-même. Dans exactement 28 grosses secondes, cet enregistrement sonore se détruira de lui-même.